Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple au 89.1. Nous allons rester dans le domaine de la médecine avec Camille Bélanger-Vincent qui nous revient pour une deuxième chronique. À sa première visite, Camille nous avait parlé d'un vaccin contre la maladie d'Alzheimer qui est présentement en développement à Québec. Et aujourd'hui, Camille va nous parler d'une autre maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson. Bonjour Camille. Bonjour. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous parler du Parkinson à cause de recherches super intéressantes qui sont effectuées là, présentement à Québec, là, comme pour la maladie d'Alzheimer, il y a maintenant un mois. Ma première chronique date d'il y a un mois déjà. Ah bon, oui. Okay, ouais. Donc, ces recherches-là sont faites sous la direction du docteur Daniel Côté, qui est un physicien qui est professeur agrégé à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Le projet de recherche du docteur Côté, il a été pensé il y a quelques années à peine, mais dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est améliorer l'efficacité d'une chirurgie qui est déjà effectuée là, à travers le monde chez des patients qui sont atteints du Parkinson. Okay. Et durant cette procédure-là, là, celle qui est faite un peu partout à travers le monde, les neurochirurgiens insèrent à des endroits très précis dans le cerveau des électrodes permanentes qui, elles, vont envoyer des signaux électriques dans le cerveau. Et ces signaux électriques-là là, ont pour but, en fait, de diminuer les symptômes du Parkinson chez les patients. Bon, là, tu parles de... En fait, tu utilises le terme permanente pour les électrodes. Tu veux dire que ces électrodes là sont insérés, ils restent dans le cerveau après l'opération? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le but, en fait, là, parce que les signaux électriques doivent être émis périodiquement, là, okay. Si on veut qu'ils soient efficaces contre les symptômes. Donc, l'électrode doit rester là, dans le cerveau là, de manière permanente. Là. Et quels aspects de la chirurgie, le docteur Côté et son équipe veulent-ils améliorer? Oui, bien, selon le docteur Côté, les neurochirurgiens qui effectuent cette procédure-là ne voient pas dans le détail l'endroit exact où ils insèrent l'électrode. Puis là, je veux pas alarmer personne là, qui aurait subi l'opération ou qui pourrait y avoir recours. Là. Ils savent où ils s'en vont, mais les chirurgiens, en fait, ont plein de façons de savoir où ils sont dans le cerveau durant l'opération, mais ils ne le voient pas clairement. Donc là, l'équipe du docteur Daniel Côté, son idée, dans le fond, ça serait de permettre aux chirurgiens de connaître avec plus de précision l'emplacement des électrodes dans le cerveau durant l'opération. Pour augmenter finalement l'effet, en fait. L'efficacité, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Et comment est-ce qu'on peut y arriver, en fait? Bien, c'est ça, c'est là que ça devient intéressant, c'est avec la fibre optique. Mm-hmm. Mais c'est un type différent de fibre optique là, que celle qui est utilisée dans les télécommunications. Mais en fait, c'est un type différent. Le principe est le même. Mais ça part d'une fibre optique là, quand même. Il s'agit d'une fibre optique qui a été expressément conçue pour le projet du docteur Côté, puis qui pourrait éventuellement être brevetée par l'équipe si les résultats de la recherche sont concluants. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu avoir les détails de la fibre optique. Oui, c'est un fait. C'est une bonne raison. Et puisque la fibre optique là, fait un diamètre d'environ 250 microns ou micromètres. Là, c'est l'équivalent de 3 à 4 cheveux là, de diamètre. C'est très petit. C'est un quart de millimètre, ça, à peu près? Oui, hein? Ben c'est ça. Donc, alors que celui des électrodes qui sont utilisées dans la neurochirurgie là, dont il est question ici, le diamètre de cette électrode-là tourne autour de 2 à 3 mm. Donc, ça serait très simple pour l'équipe du docteur Côté de modifier légèrement les électrodes simplement en y insérant la fibre optique là, à l'intérieur même de l'électrode. Okay. Donc, c'est assez simple. Puis c'est d'ailleurs super intéressant de voir la multidisciplinarité de ce projet de recherche-là. Parce que d'abord, il y a le docteur Côté qui dirige le projet. Mais ensuite, il y a d'un côté les experts en neurosciences, puis de l'autre les experts en optique photonique. Là, c'est ceux-là qui ont permis le développement de la fibre optique. Oui, parce que c'est des gens dans plusieurs disciplines que ça prend. Bien, c'est ça qui est super intéressant. Ben oui, exact. Ça. Donc, du côté neurosciences, il y a le docteur Léo Quentin. Lui, c'est le neurochirurgien clinique là, qui fait partie du projet. Puis c'est d'ailleurs à cause. Bien, c'est parti de lui l'idée de travailler sur cette chirurgie-là même. En fait, c'est le docteur Côté, là, le chef d'équipe, là, si on peut dire. Puis le docteur Parent, qui lui est un neuroanatomiste, c'est les deux, en fait, ces deux docteurs-là sont allés assister à une chirurgie du docteur Quentin, une de ces chirurgies-là. Puis c'est là qu'ils ont développé l'idée du concept, du projet de recherche, dans le fond. Okay. Donc c'est ça. Il y a le docteur Léo Quentin, qui lui est le neurochirurgien. Il y a le docteur Martin Parent, qui est professeur adjoint spécialiste de la neuroanatomie à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Puis ça, c'est le côté neurosciences. Donc, puis pour ce qui est des experts en optique photonique, le docteur Côté a fait appel aux professeurs Younes Messadek et Tigran Galstian, des spécialistes là, de la fibre optique qui travaillent, eux, au Centre d'optique photonique et laser de Québec, là, qui est situé sur le campus de l'Université Laval, là, au pavillon Vachon. D'accord. Donc, de ses propres mots, j'ai parlé au docteur Côté, il me dit que lui, il agit comme le trait d'union entre ces deux groupes-là, parce qu'il comprend, à la fois les propos des experts en optique photonique, parce que lui-même est physicien, mais il comprend aussi les spécialistes en neurosciences, parce que ça fait déjà plusieurs années, lui, qu'il travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, là, l'ancien Robert Gifford. Donc, c'est lui qui fait le lien entre les deux groupes. Mais là, sans me donner les détails sur la fibre optique en tant que telle, comment l'équipe compte-t-elle permettre aux chirurgiens de connaître avec plus de précision leur emplacement dans le cerveau durant la procédure? Ben, par la fibre optique qu'elle a elle-même développée, l'équipe veut pouvoir dire aux chirurgiens en temps réel, c'est-à-dire durant la chirurgie, là, dans quelle matière du cerveau l'électrode se situe. Là, je vais expliquer un petit peu plus. Ouais. Ça veut dire que l'équipe du docteur Côté veut que sa fibre optique puisse différencier la matière blanche de la matière grise du cerveau. Okay. La matière grise, c'est ça correspond au corps cellulaire des neurones, donc les noyaux des neurones et leurs dendrites, alors que la matière blanche, c'est la gaine de myéline qui recouvre les axones des neurones. Puis la gaine de myéline, c'est en fait, ça permet d'accélérer la vitesse de transmission de l'influx nerveux le long de l'axone, dans le fond. OK. Mais comment le fait de savoir différencier la matière blanche de la matière grise aiderait les chirurgiens à savoir où ils se trouvent au bon endroit pour implanter l'électrode? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, c'est spécifique à cette chirurgie-là. On ne pourrait pas l'utiliser dans n'importe quelle chirurgie. Okay. Parce que l'électrode, dans le cas de cette chirurgie-là, l'électrode doit être implantée dans le noyau sous-thalamique, qui est à peu près au centre du cerveau. Cette région-là, qui est de la grosseur d'une amande environ, est grossièrement délimitée par de la matière blanche. Okay. Donc, quand les chirurgiens traversent la frontière à la limite entre la matière blanche et le noyau sous-thalamique, ben, ils vont être certains d'avoir implanté l'électrode au bon endroit, là. D'accord, mais comment l'équipe du docteur Côté compte-t-elle faire en sorte que la fibre optique puisse différencier la matière blanche de la matière grise? OK, bien, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la section du projet qui concerne les spécialistes en optique photonique. Donc là, on m'a tout expliqué ça. Je vais essayer de vous le transmettre du mieux que je peux parce que c'est pas ma spécialité. Mais c'est pas si compliqué que ça, au fond. La fibre optique qui est développée par l'équipe du docteur Côté va émettre une lumière. Quand elle va être dans le cerveau, ils vont faire émettre une lumière d'une couleur spécifique. Mm-hmm. En frappant la matière du cerveau, la lumière va se réfléchir, puis une certaine portion des rayons lumineux, va être recaptée par la fibre optique. Puis, dans le fond, dépendamment de la manière que le rayon lumineux va être recapté, on va pouvoir étudier par spectroscopie la nature de cette lumière-là. Puis les chirurgiens vont pouvoir déduire certaines informations sur la matière que la lumière de départ a frappée. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est un peu comme la fibre optique agit en quelque sorte comme d'une caméra, finalement. Ben, en fait, c'est ça. Parce la qu'elle fibre... émet la lumière. Puis elle reçoit. Elle reçoit la lumière. Exact. Avec ça, elle peut savoir si on a dans les tissus blancs ou... Ouais, ou gris. Ou gris. C'est ça. Donc, c'est dépendamment de la manière que la lumière retourne dans la fibre optique, les chirurgiens ou les personnes qui vont analyser la lumière, ils vont savoir si c'est de la matière blanche ou de la matière grise. C'est ça, exactement. Mais là, c'est donc dire que l'analyse de la matière environnante à l'électrode là, dans le cerveau doit être faite en temps réel là, durant la chirurgie. Ah ben oui, c'est ça. C'est un fait. Et en fait... Pourquoi est-ce que c'est si avantageux comme nouveauté? En quoi c'est avantageux? Ben, dans le fond, tout d'abord parce que ça améliore le degré de précision, là, comme on le dit depuis le début. Les chirurgiens vont pouvoir savoir avec plus de certitude l'endroit où ils se trouvent dans le cerveau. Puis ultimement, ben, cet aspect-là permet de diminuer le stress des chirurgiens durant l'opération, puis permet de réduire le temps de la chirurgie qui, actuellement, la chirurgie dure, c'est 8 heures. Okay. Puis pendant ces 8 heures-là, le patient est éveillé. Okay. Donc, 8 heures, c'est lourd comme chirurgie. Là. Donc, oui, si on est capable de réduire le temps, mais c'est pas tant que la procédure est moins longue, mais c'est que ça diminue l'incertitude des chirurgiens, donc ça va plus vite. Ça la diminue de deux façons. Est-ce qu'on peut dire, parce que la fibre optique est 12 fois plus petite finalement que l'électrode, j'imagine qu'en soi, c'est une amélioration de l'efficacité. En plus, qu'on sait aussi devant dans quelle matière on se trouve, là, c'est blanc ou gris. Ben oui, ouais. Sauf qu'en fait, je suis pas sûre que j'ai compris, mais en fait, ouais. La fibre optique va être dans l'électrode. Là. C'est ça. Donc, l'électrode est quand même là. Ok, je comprends. Donc, c'est ça. Ça change pas en fait la grosseur de ce qui est entré dans le cerveau. L'électrode va être la même grosseur. C'est ça. Mais donc, c'est ça. Puis d'autres avantages, ben. L'électrode, si elle n'est pas bien placée, ben les effets bénéfiques de la chirurgie ne sont pas aussi grands, puis les patients vont avoir plus de chances d'avoir des effets secondaires. Okay, c'est ça. Il y a aussi un autre avantage là, d'un point de vue financier, parce ouais. que la fibre optique, ça coûte vraiment pas cher. Le docteur Côté, pardon, me disait que ça coûtait une centaine de dollars du kilomètre. Là. Puis vu que les chirurgies dans le cerveau, ça prend vraiment pas beaucoup de fibre optique en tant que telle, ça revient à... c'est minime là, les coûts que ça va engendrer. Là. Est-ce que la chirurgie, on va terminer là-dessus très rapidement, est-ce oui. que la chirurgie effectuée présentement au Québec pour contrer les effets du Parkinson est fréquente? Non, en fait, parce que pour pouvoir recevoir cette chirurgie-là, les patients doivent répondre à certains critères là, très particuliers. Mm-hmm. Mais jusqu'à aujourd'hui, à Québec, il y a seulement une soixantaine de personnes là, qui ont reçu cette chirurgie-là. Okay. Par contre, il faut dire qu'il y a d'autres chirurgies du même genre qui existent, qui s'attaquent, ben, qui travaille à un autre noyau du cerveau d'autres noyaux du cerveau qui eux aussi sont impliqués dans la maladie de Parkinson, puis on les appelle les ganglions de la base. Okay. Je pourrais rentrer dans un autre sujet complètement sur ça, mais je ferai une autre chronique là-dessus. C'est parfait. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Camille, puis on va passer au mot de la fin.